Au royaume des fées, au fin fond de la forêt, où je l'ai déflorée, entre autres méfaits. Tout ceci est un fait, j'en reste encore des faits, car il se trouve qu'en effet, ça a eu sur moi beaucoup d'effets. Vois combien je t'aime, vois l'immensité de ma peine, vois comment je traîne ce chagrin que tu m'assènes. Je déambule dans les rues la nuit, en pensant que notre amour est fini. Quelle grande tristesse, quelle infinie détresse. Je vois défiler sous mes yeux tous nos moments heureux, et je maudis tous ceux qui disent que c'est fini, nous deux. Je marche sur les boulevards avec dans le dos ce coup de poignard, mais à présent j'en ai marre, je vais finir au fond d'un bar. Au fond de moi, je me dis, putain que c'est moche la vie, on aurait pu s'en sortir avec un simple sourire. Tatatin.